En cette période de l'année, vous pensez certainement à vos REER et il est très important de préparer votre retraite. Cette année pour vos REER, contactez Monsieur Jacqueline Doucet, conseiller en sécurité financière, planificateur financier auprès du service financier Jacqueline Doucet et représentant en épargne collective rattaché à Mika Capital, dont les bureaux sont situés au 1230 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini. Les placements, c'est du sérieux. Vous devez toujours faire affaire avec les gens qui connaissent le milieu et qui sont des spécialistes dans le domaine. Monsieur Jacqueline Doucet vous donnera de judicieux conseils pour que vous profitiez de bons placements. N'attendez pas à la dernière minute. Contactez M. Jacqueline Doucet au 418-276-6170. 276-6170. Donc aujourd'hui, j'ai eu la chance de participer à un appel conférence avec Félix Auger-Aliassime, le joueur de tennis du Canada. Et dans un premier temps, Félix Auger-Aliassime nous parle de l'année 2018 et de ses émotions et de ses plus beaux moments durant l'année. Je pense que je la place tout en haut parce que c'est des émotions qui sont quand même uniques. Je pense que c'était de représenter ton pays, de jouer en équipe comme ça. C'est vraiment des choses qu'on ressent pas ailleurs. Alors que je joue, alors que même sur des belles victoires contre Chung ou Pouille, c'est là au niveau des émotions que j'ai vécues est vraiment tout en haut. Là, c'est vraiment un rêve de pouvoir. Tu vas donner la chance à son équipe de gagner la victoire, puis d'avoir tous ses amis autour de toi. C'est vraiment quelque chose de spécial. Donc, c'est vraiment tout en haut. Merci. Dans un deuxième temps, Félix Auger-Aliassime nous parle de ses objectifs pour 2019. Avec mes entraîneurs, on s'est plus fixé des objectifs de, justement, c'est ça, de niveau, de constance, de niveau que je veux atteindre dans mon jeu. Évidemment, on se met pas de limite au niveau des objectifs de classement ou de tournoi. Je pense que maintenant, chaque tournoi que je joue, j'y vais pour gagner, pour aller le plus loin possible. Donc, je me fixe pas vraiment de limite là-dessus. Par contre, c'est sûr que oui, je veux sentir que je suis en constante amélioration au niveau de mon jeu, au niveau de ma confiance. Et je pense que si je mets ça d'abord en priorité, ben forcément il y a des bonnes choses qui vont se passer au niveau des tournois puis au niveau de mon classement durant l'année. Donc on s'assure de mettre les bonnes priorités qui sont de devenir un meilleur joueur de tennis avant tout. Tu mets l'accent de nouveau sur Et Félix Auger-Aliassime va disputer 3 tournois sur terre battue en 2019. Oui, je pense que c'est on y va un peu segment par segment durant la saison, mais c'est sûr que la dernière fois que j'ai joué sur terre battue, c'était l'été dernier. J'ai joué le reste de l'année sur dur. J'ai commencé l'année sur dur, évidemment. Après, il y a un choix à faire. Il y a une tournée soit sur dur intérieur ou sur terre battue. On sentait que avec ce qui s'est passé avant, avec le niveau que je peux jouer sur terre battue, on sentait que cette fois-ci, c'était une bonne opportunité de jouer 3 gros tournois ATP sur terre battue. Pour lancer mon année, ça peut être une bonne chose. Donc, on va voir comment ça va se dérouler, mais je me sens assez confortable. Auger-Aliassime devrait disputer plusieurs tournois, y compris des tournois secondaires. L'année dernière, c'était un choix par rapport à mes sensations l'année dernière. Après, je pense que cette année, c'est probablement différent. Non, l'objectif, c'est vraiment de jouer la saison complète, de jouer sur gazon, puis comme tu as dit, je pense que avec le niveau, avec mon niveau de service maintenant, avec le jeu que je peux produire sur toutes les surfaces, il n'y a pas de raison pour laquelle je jouerai pas sur herbe cette année. Donc on va définitivement me voir sur les tournois sur gazon. Également, Félix Auger-Aliassime, j'ai posé la question sur quel aspect qu'il entend travailler sur son jeu. Du perfectionnement. C'est vraiment, je pense que c'est de mettre les bonnes habitudes chaque jour à l'entraînement pour qu'après ça se transfère tranquillement au match. Mais dans tous mes coups, devenir plus en plus précis, je pense que cette année, je regarde les matchs que j'ai déjà joués. Je pense que je suis un meilleur joueur. Je le sens que je suis un meilleur joueur que l'année dernière. Par contre, par exemple, au retour, il y a des jeux de retour où il y a des matchs qu'au retour de service, j'aurais pu être meilleur encore. Donc, je pense que ça, c'est un point que je vais améliorer. Mais après, c'est vraiment devenir un meilleur joueur dans tous les aspects de mon jeu. Donc, à chaque jour, quand je vais à l'entraînement, je répète mes gammes, je répète mes schémas forts, je répète mon service, mes volets. Donc, c'est vraiment de perfectionner tout mon jeu pour que jour après jour, que ça devienne de plus en plus solide, puis que j'arrive à mettre ça en place durant les matchs. Mais s'il y a un truc que je devais nommer, ce serait peut-être le retour de service que je vais améliorer. Voilà, donc c'était les principaux faits-saillants de la conférence de presse de Félix Auger-Aliassime aujourd'hui, une appel de téléconférence dont j'ai participé.